Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 26e émission, nous allons décortiquer l'actualité avec l'équipe de Faits et Documents. Je suis actuellement avec Vincent de la librairie Facta. Vincent, bonjour. Bonjour. Et comme chaque semaine, je suis avec mon co-animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation et qui participe également à la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonjour. Bonjour. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au bimensuel Faits et Documents sur le site faitsetdocuments.com. Xavier, Vincent, le dernier numéro de Faits et Documents vient de sortir, le numéro 411. Vincent, quel sujet abordez-vous dans cette lettre d'information ? Alors, nous commençons donc les portraits des nouveaux ministres et secrétaires d'État du nouveau gouvernement Valls, donc qui ont été nommés suite au remaniement du 11 février dernier. D'accord. Donc, nous faisons Emmanuel Cosse, donc, qui est ministre du Logement et de l'Habitat Durable, qui a remplacé Sylvia Pinel. Nous faisons également Erika Barrecht, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Oui, un ministère qui devait s'appeler le ministère de l'intégration républicaine, donc sur une idée de Julien Drey. Et c'est Seba Dagoma qui avait été pressenti pour le poste et qui est député d'origine africaine, qui a remplacé Tony Dreyfus à la députation à Paris. Alors, nous faisons aussi Barbara Pompili, donc issue des Verts aussi, qui est secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Nous abordons aussi Juliette Méadel, qui est secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Nous faisons encore Estelle Grelier-Ménanteau, qui est secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Et pour finir, Hélène Geoffroy, qui est secrétaire d'État chargée de la ville. D'accord, donc on le voit, le remaniement ministériel est au cœur de cette lettre d'information. Xavier, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, un point sur les stratégies qui ont présidé à ce remaniement ? Déjà, quand on s'est intéressé aux biographies des nouveaux membres du gouvernement, ce qui nous a frappé, c'est l'effondrement de la qualité du personnel politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vraiment ont très peu de dimensions intellectuelles, très peu de vécu en dehors d'avoir été élus, en dehors de la politique. Très peu de gens ont travaillé. Alors, la plus grosse partie, bon, évidemment, est consacrée à Emmanuel Cosse. Alors, il y a eu d'autres nominations qu'on ne traite pas dans la lettre parce que certaines personnalités avaient déjà été traitées par ailleurs, comme Jean-Vincent Placé, qui devient secrétaire d'État au... Alors, qui est secrétaire d'État à la réforme de l'État et la simplification. Alors voilà, donc par exemple, Jean-Vincent Placé, typiquement, avait déjà été traité dans Faits et Documents. Et d'ailleurs, on a publié ce portrait-là sur le site d'Égalité et Réconciliation. Donc vous pouvez vous y reporter. Donc voilà, donc Jean-Vincent Placé, qui est un radical socialiste, franc-maçon, ancien adjoint de Michel Crépeau, donc vraiment dans la plus pure tradition Ratsoc, et qui est un peu déguisé en écologiste. Mais alors Xavier, avant de rentrer dans le détail des personnalités, est-ce que s'il te plaît, tu peux nous faire un point sur la logique générale de ce remaniement ? Alors ce remaniement, il s'inscrit déjà dans un contexte qui est le contexte de l'état de la gauche à un an de la présidentielle. Comment rassembler ? La gauche apparaît de plus en plus divisée. Je crois que Martine Aubry vient plus ou moins de claquer la porte par rapport à la réforme du travail. Donc là, surtout, on observe un François Hollande donc, qui a annoncé lui-même le remaniement, alors qu'il n'est pas chef du gouvernement, puisque le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc c'est François Hollande qui a annoncé le gouvernement, d'ailleurs avec une scène assez cocasse qu'on raconte dans Faits et Documents, où... il s'est retrouvé dans le bureau à l'Élysée avec Jean-Pierre Bel, qui est l'ancien président du Sénat, à taper les noms sur Google pour voir si les types qui venaient de nommer n'avaient pas de casserole. Alors on se fait quand même du souci parce qu'ils ont quand même les services de renseignement à disposition, et on est dans une configuration d'amateurisme intégral. Donc bon, plus profondément, ce remaniement, c'est une façon pour François Hollande de compter les troupes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de radicaux socialistes. Donc, on disait... Il y a Bellet. Voilà. Il y a Annick Girardin. Voilà. Et Jean-Vincent Placé, qui fait un peu le lien entre les RATSOC et les écologistes, et les écologistes qui sont aujourd'hui en état de mort clinique. C'est-à-dire que François Hollande a réussi à ramener au gouvernement Emmanuelle Coz, qui était la présidente d'Europe Écologie Les Verts, et donc a annihilé toute velléité de dissidence d'Europe Écologie Les Verts par rapport au Parti Socialiste. Mais ce que tu expliques, c'est qu'il a une logique, François Hollande a une logique qui est diamétralement opposée à celle de Valls. Bah, Valls, il est dans une logique d'ouverture à droite, en quelque sorte. C'est-à-dire que lui, il est dans une logique d'union nationale, de front républicain. Et il a, par exemple, essayé, après les régionales, d'établir des passerelles avec des gens comme Jean-Pierre Raffarin. Donc, par exemple, typiquement... avant ce remaniement, a été nommé ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, qui est une personnalité qui fait consensus, y compris au sein de la droite parlementaire. Or, là, Hollande a marqué un point, si on veut, par rapport à Valls, en obtenant des ministres qui sont plus ou moins à sa botte, ou en tout cas étiquetés comme plus favorables à François Hollande qu'à Manuel Valls, parce qu'il y a vraiment une lutte en vue de 2017 entre Valls et Hollande. Donc deux stratégies. D'un côté, la vieille stratégie d'Hollande. Hollande, c'est un homme de la 4e République. Donc lui, sa stratégie, c'est de rassembler toutes les petites chapelles de gauche pour avoir... c'est la vieille stratégie de la gauche plurielle. Alors que Valls, lui, est plus dans une logique d'ouverture à droite, mais qui est une logique qui nous paraît, Vincent, tu me dis le contraire, si voilà, mais qui paraît plus d'actualité. Bah, je pense qu'ils sont déjà tous en train de préparer le deuxième tour de la présidentielle, donc il faudra bien rassembler. Donc ils veulent pas se couper de droite ou à gauche d'une base électorale. C'est ce que tu dis dans la lettre. Tu dis que Valls est un candidat qui peut accéder au deuxième tour, alors que Hollande non. Bah, Hollande reste extrêmement bas dans les sondages. Là, en ce moment, il y a le salon de l'agriculture. On voit qu'ils ont de plus en plus de mal à se déplacer au milieu du peuple. C'est-à-dire que chaque sortie devient un énorme problème. Et c'est vrai que du point de vue des élites mondialistes, Valls apparaît comme un candidat plus plausible que François Hollande, qui semble vraiment épuisé par l'exercice du pouvoir. Et tout ça est à replacer dans le contexte de la montée du Front National. L'idée étant de placer comme candidat, des candidats capables d'aller au deuxième tour et d'évincer Marine Le Pen. Voilà, exactement. Oui, parce que tout le monde pense que Marine sera forcément au second tour, donc il faut pour eux le meilleur candidat contre elle. Donc ça sera pour l'instant Juppé ou peut-être Valls. Mais ça, voilà, cela dit, l'idéal pour eux serait que Marine Le Pen ne soit pas du tout au second tour, parce que ça revient souvent depuis 2002, la grande crainte, et c'est le mot qui revient, c'est la crainte d'une déferlante populiste en cas de présence de Marine Le Pen, ou en tout cas d'un candidat Front National, au second tour. Et dans cette optique-là, il est vrai que Manuel Valls est un candidat socialiste capable d'arriver au second tour, alors qu'Hollande n'apparaît pas comme tel. Donc là, on a l'impression qu'il essaye de rassembler la gauche pour qu'au moins il n'y ait pas de candidature dissidente. Est-ce que cette stratégie va marcher? Alors là, notamment, bon, on revient longuement sur cette prise de guerre qui est Emmanuel Coz. Justement, alors Emmanuel Coz, est-ce qu'on peut en parler? Vous faites un portrait détaillé dans le numéro 411 qui vient de sortir. Xavier, Emmanuel Coz, qui est-ce? Emmanuel Coz, c'est l'effondrement de du personnel politique dont on parlait, c'est-à-dire qu'elle est issue de l'activisme gay, bien qu'elle ne soit pas homosexuelle, puisqu'elle a commencé à militer à ACT UP, dont elle a été la présidente. Ensuite, elle a été journaliste à Tétu. Elle a été salariée du SIDAction. Ensuite, elle a travaillé dans le journal de Clémentine Autain qui s'appelle Regard. Et ensuite, elle est rentrée à Europe Écologie Les Verts que très récemment, finalement en 2010, où elle a été placée à la tête du parti par Jean-Vincent Placé et Cécile Duflot. Et Xavier, d'ailleurs, dans la lettre, tu reviens sur les années de jeunesse de Emmanuel Cosse. Est-ce que tu peux nous donner des détails croustillants ? Bah, déjà, il y a eu plusieurs choses. D'abord, elle a été représentante de la FIDEL, donc qui est le syndicat du lycéen inféodé au Parti Socialiste, qu'elle a quitté parce qu'elle elle trouvait insupportable, notamment au moment de la guerre du Golfe, qu'il faille demander l'avis à Harlem Désir ou Julien Drey pour que les lycéens puissent donner leur avis. Donc déjà, c'est assez intéressant. Ensuite, elle a été, quand elle était à ACT UP, hein, quand elle prend la présidence d'ACT UP en 1999, son prédécesseur Philippe Mangeot, dans une interview à Libération, déclare « Moi, je ne vois pas la différence entre un gay et Emmanuel, elle en est. On rit de ses gros seins comme deux gays vont déconner sur la longueur de leur queue. » Elle est ministre du logement du gouvernement Valls III. Voilà, donc maintenant elle est ministre du logement. Et alors, elle a épousé, il faut dire entre-temps, Denis Baupin, qui est un apparatchik d'Europe Écologie Les Verts et qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Donc ce qui est intéressant dans ces portraits-là, c'est que c'est quand même des gens qui ont plus ou moins tous renoncé à leurs idéaux initiaux, qui rentrent au gouvernement. En plus, c'est un bateau qui est complètement en train de couler. On peut revenir aussi sur la nomination au ministère de la Culture, où personne n'a voulu y aller, puisque finalement, c'est Audrey Azoulay qui a été nommée. Mais, c'était le quatrième choix, en fait. C'est le quatrième, voilà, au moins. C'est-à-dire que Véronique Kella, qui est présidente d'Arte, dont le conseil de surveillance est présidé par Bernard-Henri Lévy, hein, a refusé. Laure Adler, qui est journaliste à France Culture, a refusé. Et Anne Sinclair, donc ça c'était une idée de Manuel Valls, a également refusé. Il faut dire que c'est Laure Adler qui a cru que c'était une blague. Un imitateur qui l'appelait, ou une blague. C'était un canular. Ouais. Un canular. Voilà, donc finalement ça a été Audrey Azoulay. Qui est une proche de la copine de François Hollande. Oui, alors ça a été beaucoup raconté, que c'était une proche de Julie Gayet. Cela dit, ça ne semble pas être le facteur déterminant dans sa biographie, puisqu'elle est issue d'une des plus grosses familles juives marocaines. Son père est conseiller du roi du Maroc depuis 1991. Auparavant, il était correspondant d'Europe 1 au Maroc. Il a été à des hauts postes de direction au sein de la Banque Paribas. Si vous voulez, c'est un peu la famille qui fait le lien entre la France et le Maroc, et aussi le Maroc et Israël, il faut le dire, puisque le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël s'est fait via donc, le père d'Audrey Azoulay, qui s'appelle André Azoulay, en 1994. Ce sont des amis de tous les hiérarques socialistes qui vont en visite au Maroc, c'est-à-dire de Pierre Berger à Martine Aubry, en passant par Bernard-Henri Lévy. Ça a été raconté dans un article du Monde. Donc c'est vraiment une famille très très importante où, dans le même article du Monde, on raconte comment ses sœurs sont toutes à des hauts postes de direction. Donc une de ses sœurs, je crois, a dirigé Paris Première, des hauts postes de direction à Canal+. Ça, sont tous placés. Alors elle a quand même trouvé le moyen, dans une interview au JDD, de dire qu'elle avait souffert de l'antisémitisme quand elle était arrivée à l'ENA. Donc voilà, en disant qu'elle avait souffert de l'antisémitisme vieille France. Donc elle est quand même ministre de la Culture, alors qu'elle n'a jamais été encartée au Parti Socialiste, qu'elle n'a jamais été élue, et elle trouve encore le moyen d'expliquer que la France est un pays antisémite. Enfin, on se pince, quoi. En parlant du Maroc, vous mettez en exergue dans la dernière lettre faite des documents le fait que le gouvernement algérien se serait plaint de la marocanisation de la vie politique française avec l'entrée au gouvernement d'une franco-marocaine supplémentaire après Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur cette nouvelle ministre du Travail qui est en train de mettre en œuvre une loi très controversée actuellement qui divise le gouvernement. Oui, alors la loi El Khomri, c'est une... Alors là, ils sont en train de ça fait quand même pas mal de remous, donc ça se trouve à l'heure où l'émission sera diffusée, ils sont déjà revenus dessus. Mais c'est une loi qui, en tout cas, oui, met à bas les 35 heures. Alors on ne va pas revenir sur la viabilité ou non des 35 heures, ce n'est pas là le débat, mais en tout cas, ça brise un tabou à gauche, comme on dit, puisque même Sarkozy n'était pas allé aussi loin, et cette loi devrait permettre de faire travailler les salariés jusqu'à 60 heures par semaine. Alors c'est El Khomri qui porte le projet de loi, mais il faut savoir que l'idée est issue de la commission Badinter, donc dirigée par Robert Badinter. Donc c'est Robert Badinter qui pense, et c'est Myriam El Khomri qui va devant les caméras défendre le projet de loi. Vincent, un commentaire ? Non, il faut dire que Myriam El Khomri, à la base, c'est pas son... elle était plutôt chargée des questions de sécurité. C'est une apparatchik, quoi. Elle est assistante. Elle vient de la mairie de Paris. Voilà, c'était une adjointe de Delanoë. Elle est de métier, elle doit être assistante parlementaire. Voilà, C'est encore des gens qui n'ont pas travaillé et qui n'ont jamais travaillé. Oui, c'est des élus, voilà, Conseil de Paris. Donc on voit que souvent, ils portent les projets des gens pour qui ils travaillent. Alors Vincent, justement, concernant ces questions de sécurité, on a une nouvelle personnalité au gouvernement, Jean-Jacques Urvoas. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous présenter ce personnage ? Oui, Jean-Jacques Urvoas, ce qui est intéressant, c'est que c'est le nouveau ministre de la Justice. Donc il a été nommé un petit peu avant le remaniement suite au départ de Christiane Taubira. C'est une personnalité qui vient des milieux... de l'intérieur, c'est-à-dire de la police, et qui aurait dû, normalement, si la candidature de Dominique Strauss-Kahn était arrivée à son terme en 2012, qui aurait dû être le ministre de l'Intérieur de Dominique Strauss-Kahn. Et je crois d'ailleurs savoir, c'est ce que vous indiquez dans la lettre, qu'il l'a soutenu jusqu'au bout. C'est le dernier à l'avoir soutenu. Oui, il a ça d'ailleurs, c'est plutôt à son honneur, parce que tout le monde a vite déguerpi après la perte du Sofitel, et lui l'a soutenu très très tard sur son blog. Alors il faut dire, il a un blog très fourni où il commente la vie politique, c'est souvent d'ailleurs assez intéressant. Et en juillet, donc ça, cette phrase est réapparue au moment de sa nomination, évidemment, hein, parce que maintenant tout le monde va chercher dans les archives, et donc il comparait à ce moment-là, donc en juillet 2011, hein, quand même déjà 2 mois après l'affaire de Sofitel, il comparait encore Dominique Strauss-Kahn au personnage de Joseph dans la Genèse, en expliquant, je cite, « Joseph était un économiste juif qui avait refusé de répondre au désir criminel de l'épouse de Putiphar, se vit accusé par cette femme d'avoir voulu la séduire, et son maître abusé le fit mettre en prison. » Mais Joseph fut rapidement lavé de ses griefs et il finit par gouverner l'Égypte. Alors dans le même esprit, il le compare aussi à Edmond Dantès, c'est-à-dire le comte de Monte Cristo, en expliquant une fois la liberté retrouvée, il est devenu très riche et il entreprend de se venger de ceux qui ont œuvré à son arrestation. Enfin bon. Donc c'était vraiment un très proche de Dominique Strauss-Kahn. Et ce qui est intéressant... Et donc, lors de l'affaire du Sofitel, à ce moment-là, il se retrouve un peu le bec dans l'eau et il est... Voilà. Alors, il avait travaillé au programme sécuritaire du Parti Socialiste, et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il proposait de fusionner le ministre de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Or, comment dirais-je, la République est fondée sur l'idée de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et fusionner le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice... c'est fusionner l'exécutif et le judiciaire. Donc c'est la fin même de la séparation des pouvoirs qui est l'idée centrale des Lumières et qui est l'idée centrale fondatrice de la République. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que après donc la débandade Strauss-Kahn, si on peut dire, il s'est rattaché à Manuel Valls et il est devenu un de ses plus fidèles lieutenants en étant président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et donc en défendant à l'Assemblée nationale les projets de loi clés défendus par Manuel Valls. C'est-à-dire que c'est ça, ils fonctionnent ensemble. Urvoas défend les projets de loi de Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Et Manuel Valls cherche à intégrer Urvoas au gouvernement. Voilà, c'est un échange de bons procédés. De renvoi d'ascenseur. Donc il avait déjà essayé de faire rentrer Jean-Jacques Urvoas comme ministre de l'Intérieur lors du dernier remaniement. Et Hollande, voyant bien que Urvoas était pas un pion de Valls, mais en tout cas un valsiste, avait refusé. Et finalement, c'est Cazeneuve qui avait été choisi à ce moment-là. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisque vous dites également dans la lettre que le parrain en politique de Urvoas, c'est Bernard Poignant, qui est lui-même un conseiller spécial auprès de François Hollande. Oui, alors ça, c'est intéressant, parce que je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles François Hollande a malgré tout accepté ce compromis parce que Jean-Jacques Urvoas, oui, est le fils politique de Bernard Poignant, donc qui était le maire de Quimper. Non, ce qu'il faut dire aussi, voilà, c'est que il a commencé aussi un peu dans les clubs de l'or. Donc Hollande vient aussi un peu de ce voilà. courant-là. Donc en fait, voilà, c'est des gens qui sont connus il y a longtemps, qui sont des fois éloignés, ils sont rapprochés. Mais en fait, il y a quand même des affinités. C'est pas du tout. Voilà, c'est pas, il y a pas d'opposition ferme. En fait, le père doit être de l'or entre guillemets, quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est les cercles de l'ori, c'est-à-dire pro-européens. Le club témoin, les. Ils sont passés par là, donc... Donc c'est la raison pour laquelle Urvoas a fait consensus, finalement, pour ce Valls 3-là. Voilà, et puis il est apparu, il faut bien le dire, comme un homme clé à l'Assemblée nationale, parce que, alors là, on parlait justement des ministres qui n'ont jamais travaillé, il faut quand même lui reconnaître que c'est un gros bûcheur, hein, malgré tout, c'est un rat de bibliothèque, et c'est notamment lui qui a préparé le fameux projet de loi renseignement. D'accord, oui, donc ça c'est effectivement, vous le mentionnez dans la lettre. Sur quelle base vous vous appuyez pour affirmer cela ? Ah non, mais c'est de notoriété publique, donc c'est lui qui a préparé, qui a défendu le projet de loi renseignement. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à une idée reçue, cette loi renseignement ne vient pas en réponse aux attentats de Charlie Hebdo de janvier 2015. Ce projet de loi renseignement a été dans les tuyaux et a été pensé au sein de la Fondation Jean Jaurès, donc qui est le think tank du Parti Socialiste, depuis 2011, avec une équipe de fonctionnaires des services de renseignement, de haut gradés des services de renseignement. Mais malgré tout, dans la lettre, vous commencez par ça d'ailleurs, par cette information, c'est un homme de réseau, certes, mais aussi des réseaux bretons. Vincent. Oui, bah on peut dire que... Comme j'avais dit dans la précédente émission, on va dire le dernier gros des troupes socialistes au vu des élections, des résultats des élections, bon, et la Bretagne est toujours là. Donc bon, le branchu a été, on va dire, écarté. Donc bon, mais ils ont nommé... Il reste Jean-Marie Le Guen, il reste Jean-Yves Le Drian, et notamment, je crois que c'est La Vie, le magazine La Vie, qui a consacré un gros article justement au lobbying exercé par les députés bretons au sein du ministère de la Défense, qui est tenu par Jean-Yves Le Drian, où des patrons du CAC 40 et des hauts fonctionnaires sont reçus et où les députés bretons exercent une action de lobbying. C'est ça, c'est ce que vous expliquez dans la lettre, c'est qu'ils se réunissent une fois toutes les six semaines, je crois, dans le bureau ils se réunissaient dans le bureau du ministre de la Défense. Voilà. Donc ce qui est intéressant, parce que c'est en même temps une défense régionaliste, notamment, ce sont des militants régionalistes. C'est-à-dire que malgré tout, même s'ils sont socialistes, soi-disant universalistes et républicains, malgré tout, il y a quand même un petit fond identitaire non avoué. Et c'est un peu ironique, mais bon, il y a bien d'autres attaches, notamment maçonniques. Oui, ben voilà, on peut dire que certains sont dignes d'éloges. Alors, un autre aspect de notre nouveau ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, c'est sa duplicité, Xavier. Parce que on voit bien qu'en 2010, par exemple, au moment où il y avait ce débat sur la vidéosurveillance, Urvoas s'exprimait contre ces réformes voulues par Sarkozy. Et j'ai une citation là. Je cite, « Il n'y a aucune étude sérieuse et indépendante sur la vidéosurveillance. Toutes les études sérieuses sont anglaises ou australiennes. Ceux qui font des études en France sont à la botte de l'État. » Et cela dit, il avait raison. Il dénoncera encore le simplisme de l'illusion technologique, la foi affichée dans la technique plutôt que dans l'humain, et la vidéosurveillance comme solution universelle justifiant la disparition progressive de policiers dans nos rues. Et ça, c'est à mettre en perspective avec ces dernières citations, puisque Jean-Jacques Urvoas a déclaré devant Jean-Pierre Elkabbach, « Nous souhaitons que les services aient des moyens intrusifs pour pénétrer à l'intérieur des ordinateurs de tout un chacun. Ça peut paraître liberticide, et ça l'est. » Xavier, un commentaire ? Oui, bah, cette citation, elle intervient, je crois, en 2013, donc dans l'émission de Jean-Pierre Elkabbach. On l'a d'ailleurs relayée sur le site Égalité et Réconciliation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas encore eu de... Non, je voudrais rebondir. Ce qui est drôle, c'est que faut voir la vidéo, parce que quand tu vois la tête d'Elkabbach, même lui-même, il est, voilà. Médusé. Et puis c'est en 2013, il n'y a pas encore eu les attentats. Donc, ça prouve bien que, ouais, c'est déjà dans les tuyaux, que, ouais, que ces réformes-là, elles sont dans les tuyaux, et qu'en fait, les attentats n'ont été qu'un alibi. Et en plus, ça permet de faire croire qu'on est actif, qu'on réagit, qu'on fait des lois pour, alors que les lois sont déjà bien avancées. Et Vincent, un dernier aspect, Jean-Jacques Urvoas, c'est-il franc-maçon ? Alors, on n'en a pas la preuve. On dirait un maçon sans tablier, c'est-à-dire qu'il est régulièrement invité, il apparaît dans plein de tenues, il fait des ce qu'on appelle des planches, mais on n'a pas une loge ou une preuve. Contrairement à d'autres qui sont là, connus, reconnus, comme Bellet, comme... Placé. Jean-Vincent Placé. Bon, alors par contre aussi, il y en a qui n'y vont plus. C'est-à-dire que comme Valls, voilà, il y en a plein qui ont été initiés à un moment donné et qui n'y vont plus. Mélenchon, voilà, bon là il n'est pas au gouvernement, mais il y a plein de gens qui ont été initiés, mais qui y sont allés un certain temps et qui après ont pris du recul ou qui n'ont pas le temps. Placé, lui, n'y va plus depuis quelque temps. Là, dans les nouveaux, il y a le nom d'Éric Abaret qui a été dévoilé par le blog de François Corr, le journaliste de l'Express, en disant que, selon des sources, elle a reçu la lumière. Donc voilà, il y a quand même encore des réseaux. C'est le secrétaire d'État à l'égalité réelle, c'est ça ? C'est ça l'égalité réelle, c'est d'avoir reçu la lumière. Oui, mais bon, il faut dire que c'est de tradition, on va dire, un peu familiale. Voilà, parce que faut bien préciser, elle est issue de ce qu'on appelle le socialisme municipal, et son beau-père est Gilbert Annette. Hein. Voilà, son ex-beau-père. Son ex-beau-père. Est un baron socialiste local. Donc voilà, donc on a mis une femme noire. Qui a eu aussi quelques ennuis judiciaires et qui a dû, entre guillemets... mettre de côté sa vie politique parce qu'il avait été condamné, mais qui est revenu en 2008. Et donc, bon, bah, elle était dans son sillage et je pense qu'elle a bénéficié à la fois des réseaux socialistes municipaux et à la fois des réseaux maçonniques. Voilà, donc les auditeurs qui nous écoutent savent maintenant ce qu'est l'égalité réelle. Alors, un autre aspect qui m'a surpris, que j'ai pu lire dans votre lettre, c'est... Jean-Jacques Urvoas, c'est un homme qui veut surveiller davantage les citoyens. Ça, on l'a bien compris. Mais par ailleurs, il ne veut pas construire de nouvelles places de prison. Non, c'est différent. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Jean-Jacques Urvoas, comme beaucoup d'hommes politiques, pour rentrer dans les fonctions gouvernementales, et on en a déjà parlé avec Emmanuel Coste, sont obligés de se recentrer. C'est-à-dire qu'il y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus que du gris, si vous voulez. Et lui, il était proche du syndicat de la magistrature, en tout cas sur les questions de justice. Il était proche du syndicat de la magistrature, donc qui est plutôt classé à l'extrême gauche, de l'Observatoire national des prisons, et ainsi de suite, et disait que ça ne servait à rien de construire de nouvelles places de prison, qu'il fallait plutôt faire des programmes pour... Réaménager les peines, la réinsertion, et ainsi de suite. Donc, un truc très gauchisant. Et le premier interview qu'il donne dans Le Parisien quand il est nommé, c'est pour dire qu'il va construire des nouvelles places de prison. Enfin bon, cela dit, c'est des choses assez classiques finalement. Et vous le mentionnez également dans la lettre, il vous a contacté. Oui, en fait, il a voulu apporter quelques petites précisions sur son parcours scolaire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que alors lui particulièrement était vraiment à l'affût de son portrait dans Faits et Documents, parce qu'il a vraiment réagi très très vite. En fait, j'avais mis juste la première page du prochain Faits et Documents sur Twitter, et il a répondu, ben, il a envoyé un message assez vite pour préciser qu'on avait interverti son parcours scolaire, quoi. Alors que même dans le Ouzou, il donnait le même... En fait, on disait qu'il était passé par tel collège et tel lycée, et lui nous expliquait que, en fait, il avait d'abord fait le lycée après le collège, parce que son collège était lycée, le lycée était collège. Bon, bref, qu'il y avait eu un changement de nom ou un changement de... Voilà. Mais donc, il était vraiment... C'était des points de détail, comme dirait l'autre. Voilà. Mais bon, ça prouve qu'au moins, ils sont attentifs à ce qu'on écrit dans Faits et Documents. Donc, peut-être d'ailleurs nous écoute-t-il actuellement. Voilà, bon, on les salue. Ça fait plaisir de voir qu'on... Jean-Jacques, si tu nous regardes, tu nous écoutes. Dans votre enquête sur Jean-Jacques Urvoas, J'ai noté un point que vous mentionnez, c'est le fait qu'il ait rencontré le CRIF 2 semaines avant la mise en application de la loi renseignement. Donc, ce qu'on peut se dire à la lecture du dernier fait document, c'est qu'il y aura vraisemblablement une sévérité accrue vis-à-vis de Alain Soral, Dieudonné, Égalité et Réconciliation et la mouvance en général. Alors, sur ce point de la lutte contre le racisme, vous parlez dans le dernier fait document de la DILCRA. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire d'abord ce que c'est et quels sont les changements qui vont être apportés prochainement ? Alors la DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc, qui est sous la direction d'un préfet, donc, qui est Gilles Clavreul, et donc c'est rattaché directement au Premier ministre, donc à Manuel Valls. Donc là vient d'être mis en place un conseil scientifique, donc avec une vingtaine de membres. Donc on peut relever, alors on peut le donner, hein, c'est toujours intéressant de voir un peu les profils, donc qui sont quand même très politiques. Oui, tout ouais. à fait. Donc il y a Patrick Amoyel qui est un psychanalyste, il y a Chris Beauchemin qui est un démographe, donc chercheur à l'INED, donc qui est l'Institut National d'Études Démographiques, mais qui a aussi été un élu municipal à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, donc sur une liste de gauche. Abdennour Bidar qui est philosophe mais qui avait été connu en 2013 pour avoir rédigé la charte de la laïcité à l'école. On retrouve aussi Pierre Birnbaum qui est un universitaire bon, qui est prof à Sciences Po, spécialiste de l'antisémitisme. On trouve encore Laurent Bouvet qui vient de la Fondation Jean Jaurès donc, et qui s'occupe de l'Observatoire de la vie politique. On retrouve Jean-Yves Camus je pense que les auditeurs ne connaissent que lui parce qu'il est toujours spécialiste de l'extrême droite dans plein de journaux. On retrouve Myriam Cotias qui est au CNRS et qui est chargée plutôt des questions de mémoire et d'histoire de l'esclavage. Et on retrouve encore Emmanuel Debono qui a un blog qui s'appelle Au cœur de l'antiracisme qu'on trouve sur le site internet du Monde. Il y a encore Jean Finkelstein qui travaille chez Havas, mais qui est aussi directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Gilles Kepel, donc c'est le fameux islamologue ami du CRIF. Marc Nobel, pareil, qui a été à la LICRA, qui est salarié du CRIF, qu'on retrouve voilà, régulièrement. Alors une précision quand même sur Marc Nobel, ce qui est assez amusant, c'est qu'il a passé toutes les années 90, alors il est chargé des études au CRIF, c'est-à-dire qu'il fait des rapports pour le CRIF, et il a passé toutes les années 90 à s'inquiéter de l'arrivée des néo-nazis, puis manque de bol, c'est les islamistes. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Vincent ? Oui, alors après, il y a aussi donc, Christine Lazerge, donc, qui a été députée, mais maintenant qui est à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On retrouve encore Marianne Matar-Bonucci, qui est universitaire, spécialiste de la Shoah. Nona Maier, qui est aussi au CNRS et qui est rattachée au CVPOF, donc, qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Gérard Noiriel, qui est à l'École des hautes études en sciences sociales, donc directeur d'études. Pascal Perrineau, pareil, qui est aussi à Sciences Po, qui est maintenant peut-être plus, mais qui a longtemps été à Sciences Po et qui s'occupait, qui est aussi, entre guillemets, spécialiste de l'extrême droite. Denis Péchanski, pareil, c'est toujours CNRS et pareil, membre du PS, qui a aussi été élu local il y a encore quelques temps, je crois qu'il est à Bourg-la-Reine. On retrouve encore Dominique Schnapper, qui est la fille de Raymond Aron, et qui est présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme, Benjamin Stora, qui lui est au conseil d'orientation du musée de l'histoire de l'immigration, Vincent Thiberge, qui est à Sciences Po aussi, donc chargé de recherche à la FNSP, donc la Fondation de sciences politiques, et enfin Tommaso Vitale, qui est aussi prof à Sciences Po. Quoi. Voilà, donc. Alors ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a tout le banc et l'arrière-banc des spécialistes de l'extrême droite, de l'antisémitisme, de l'immigration, donc du jus de cerveau pour donc financer des recherches pour lutter contre la dissidence, puisque Gilles Clavreul lui-même, à l'antenne de Radio Nova, avait déclaré que sa priorité était de lutter Contre Dieudonné, Soral. Alain Soral, et il avait cité Hicham Hamza. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a Alain Soral qui est blanc, Dieudonné qui est métis, et Hicham Hamza qui est arabe. Donc, c'est le racisme et l'antisémitisme. Donc, au vu des trois cibles, on a vraiment l'impression qu'en vérité, c'est vraiment que l'antisémitisme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même... Le budget. Le budget est de 100 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a une menace. On sait que la menace est... Voilà, c'est ça. C'est la première menace. C'est la menace prioritaire. Quoi. C'est pas le chômage, c'est pas le terrorisme, c'est vraiment... Donc il y a 100 millions d'euros qui ont été alloués pour lutter contre Alain Soral, Dieudonné et Hicham Hamza. Et ils viennent de nommer donc un conseil de surveillance avec tous les spécialistes de l'extrême droite télévisuelle que vous pouvez voir dans les émissions type... C'est dans l'air, tous les soirs à la télé. Donc voilà la vraie priorité gouvernementale à l'heure de la crise de l'agriculture, à l'heure de la crise de la zone euro qui va reprendre, alors qu'on annonce un nouveau Lehman Brothers. Voilà. Alors, dans le dernier fait et document, dans votre page lobby, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les sujets traités au sein des loges maçonniques. Alors, Vincent, un commentaire ? Oui, voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement les personnes qui viennent parler. Bon, ça, oui, on est toujours intéressé de voir qui y va, qui. Ouais, bon, non, mais surtout, c'est les sujets, parce que ça donne une idée de l'ère du temps. C'est-à-dire que. Ou c'est de la prospective politique, ou alors, comme là, comme dans le numéro qui sort, on montre, par exemple, Johan Chapoutot, donc universitaire, lui vient plancher sur le nazisme, logique et biologie. Voilà, on se dit, il y a peut-être des sujets un peu plus... Par contre, on voit Benjamin Storal, lui, vient début mars, parler de, comme thème, la peur de l'immigré. Voilà, donc on voit un peu les différents thèmes abordés, quoi. Et Xavier, vous avez également dans cette page lobby une information sur la succession potentielle de Roger Kuckermann, le successeur potentiel. Oui, bah, c'est une petite exclue, c'est-à-dire que il y a des élections qui se passent régulièrement à la tête du Conseil représentatif des institutions juives de France, donc le CRIF, et donc Roger Kuckermann, qui était quand même, faut le reconnaître, un bon client en tant qu'ancien de chez Rothschild et avec un CV assez fourni, va être remplacé par Francis Khalifa, donc qui lui est un gérant d'entreprise. Alors ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'on observe quand même un remplacement de population qui touche également la communauté juive, c'est-à-dire avec l'arrivée massive des séfarades depuis les années 60, donc il y avait déjà eu une première vague dans les années 30 avec l'arrivée des Polonais qui avaient remplacé les Israélites français. Donc là, c'est cette vague arrivée dans les années 60 de séfarades, puis d'abord d'Algérie, puis du Maroc, qui prend vraiment le pouvoir au sein des instances communautaires, puisque pour la première fois, donc le président du CRIF va être... Séfarade, avec en plus un grand rabbin de France, donc Haïm Korsia, qui, si je ne m'abuse, est lui aussi séfarade, et Joël Mergui à la tête du consistoire, qui est également séfarade. Donc ce sera vraiment la première fois que les instances communautaires seront plus du tout représentées par des Ashkénazes. Alors ce qui implique, ce qui fondamentalement ne change pas grand-chose, mais qui implique quand même une affirmation plus religieuse, puisque... les séfarades sont beaucoup plus décomplexés quant à l'expression de leur foi. Non, puis il faut rappeler que Khalifa, c'est un... a priori, si j'ai bonne mémoire, nous, on en avait parlé dans les guerriers d'Israël. C'est qu'il a été président de la Fédération sioniste de France, il a été secrétaire général du Héroud de France, président des Amis du Likoud d'Israël. Donc voilà, c'est vraiment la droite israélienne dure, quoi. Autre sujet qui m'a intéressé, dans la page étranger du dernier fait des documents, c'est, vous parlez de l'investiture de Donald Trump. Alors est-ce que, Xavier, tu peux nous faire un petit point sur les élections américaines ? Je sais que vous avez une interprétation particulière. Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. si j'ose dire. C'est-à-dire que il y avait, on était revenu il y a un an déjà dans les documents. C'était en 2014 de ce qui s'était appelé la primaire Adelson. C'est-à-dire que Sheldon Adelson est un milliardaire, un grand casinotier qui fait les candidats. C'est-à-dire qu'il les auditionne. Et entre guillemets, c'est lui qui choisit avant, parce que comme il finance, voilà. En fait, il a un... Il est aussi le financier de Benjamin Netanyahou et un des plus gros financiers du parti républicain. Et lui avait plutôt choisi Jeb Bush. Donc c'était Jeb Bush qui semblait avoir remporté ce qu'on avait appelé la primaire Adelson. Or, Jeb Bush vient de se retirer face au succès populaire de Donald Trump, qui incarne, disons, l'Amérique WASP et le rêve américain. Alors, dans tout ce qui peut nous sembler à nous, Français, d'un peu grotesque et d'un peu vulgaire, mais bon, qui incarne quand même les aspirations traditionnelles de cette Amérique blanche. Et c'est un succès qui est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que le candidat républicain devait prendre la suite d'Obama, puisque c'est un système d'alternance. C'est-à-dire qu'il y a deux mandats républicains, deux mandats démocrates, et ainsi de suite. Or, il n'y a pas tellement de candidats du système qui est valable du côté démocrate, puisque Hillary Clinton, alors là, mais elle a un certain soutien. Quel soutien de l'oligarchie, soutenue par la finance, hein, voilà. C'est-à-dire qu'elle est soutenue par Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, mais elle est usée par une affaire de mail, de courriel, un secret défense, qu'elle a fait tourner sur sa boîte mail. Lorsqu'elle était secrétaire d'État pour Obama. Voilà, et en un mot commençant, cette affaire pourrait lui péter à la gueule et voir sa candidature tomber à l'eau. Et à ce moment-là, se retrouverait face à Donald Trump, Bernie Sanders, qui, lui, est un, si on peut dire, un, comparaison n'est pas raison, un Cohn-Bendit local, c'est-à-dire qu'il incarne un peu un côté libertaire d'extrême-gauche. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu en kibbutz, par exemple, alors ça, peu de gens le savent, qui, lui, est plus soutenu par les syndicats de travailleurs. Mais il semble évident que si on arrivait à une configuration Donald Trump contre Bernie Sanders, Donald Trump pourrait l'emporter. D'où deux choses, alors là on fait un peu de prospective, on peut évidemment se tromper, deux choses qui pourraient être à prévoir, c'est-à-dire que la candidature d'Hillary Clinton tombe à l'eau et qu'arrive en candidat indépendant, en se plaçant au-dessus des partis, alors candidat indépendant c'est bien sûr entre guillemets, parce que ce serait évidemment le candidat de la finance, Michael Bloomberg, qui est l'ancien maire de New York, qui a été démocrate puis républicain pour se faire élire, ou l'inverse, je ne sais plus, et qui a fondé la fameuse agence Bloomberg, donc qui est un roi de Wall Street. Donc c'est vraiment affaire à suivre, jusqu'où ira Donald Trump, quand Hillary Clinton va-t-elle chuter, Bernie Sanders, enfin c'est, pour une fois l'élection américaine n'est pas courue d'avance, et c'est vraiment un dossier à suivre. Vincent, Xavier, merci pour ces informations que vous nous avez délivrées aujourd'hui. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la lettre confidentielle bimensuelle Faits et Documents sur le site faitsetdocuments.com. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique avec les notes de Frank De Weer. Son album Mes Semblables est disponible sur contreculture.com. Nous allons écouter le titre Ils ont. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Ils ont la palme, ils ont la Bentley. Ils ont le charme, ils sont nominés. Ils ont les costards bien ajustés. Ils ont les dents et ils ont le nez. Ils ont la carrure, ils ont les épaules. Ils ont la signature et la visa gold. Ils ont le champagne et la répartie. Ils ont la montagne et ils ont le ski. Ils ont le cash et ils ont le ranch. Ils ont le H et ils ont la blanche. Ils ont le clone en cas de décès. Ils ont l'organe cryogénisé. Ils ont une arme et le cran de sûreté. Ils ont l'alarme et le code secret. Il a la panne mais qui n'en a pas. Elle a l'orgasme, le prof de yoga. madre, qu'as-tu fait? J'suis pas terminé. Qu'est-ce qui me reste à moi? Ils sont la montagne et ils sont le ski.